Cette semaine au Mathieu Plante Show. On vous présente le palmarès Chiptunes, c'est chipmusic.org. Vous entendrez de la musique inspirée par les jeux vidéo dans différents styles musicaux. Une heure de musique chiptune pour le plaisir des uns et le malheur des autres. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence maintenant. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. On fait relâche de notre contenu habituel pour le reste de la session, mais nos fameuses chroniques Television, le segment Geek CNX et WoW at Web seront en retour cet été. Normalement, l'émission commencerait en musique chiptune, c'est-à-dire de la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Par contre, cette semaine, ça finira pas parce qu'on vous offre ça mur à mur. Je vous présente le palmarès chiptune du site chipmusic.org, une communauté d'artistes et d'amateurs de ce genre musical incompris. Sur chipmusic.org, vous pouvez voter pour vos pièces préférées, commenter et dialoguer avec les artistes, ou simplement écouter de la musique chiptune toute la journée. Comme on n'a qu'une heure, commençons immédiatement avec Solar Bear, voici How to Properly Use a Semicolon. 14. We'll be right back. C'était les positions 15, 14 et 13 du palmarès de chickmusic.org. On a débuté avec Solar Bear et How to Properly Use a Semicolon. Ensuite, J-Red avec Take Flight featuring Groovemaster 303. Et finalement, Interact for Game Boy Piano and String Quartet par Tadashi Bashi. On continue notre émission spéciale avec le bloc des 12, 11 et 10. On commence avec Brink et la pièce Jive Turkey. We'll be right back. entendre les numéros 12, 11 et 10 du palmarès cheapmusic.org. On a débuté avec Brink et Jive Turkey, ensuite Jensa et Rise, et finalement Mills DJ avec Flashback. Vous écoutez un spécial musique chiptune du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver les pièces jouées sur assemblagerequis.com. Vous êtes toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. On poursuit cette édition spéciale du Mathieu Plante Show avec les positions 9, 8 et 7 du site chipmusic.org. Voici Jakeem et The Open Doors. les positions 9, 8 et 7 du palmarès de chipmusic.org. On a débuté avec Jakim et The Open Doors, ensuite Raid Under the Stars par Legacy et finalement 505 avec Night Lore. On se laisse aller avec les positions 6, 5 et 4, commençons par Brink et Broken Dreams. We'll be right back. Position 6, 5 et 4 du palmarès de chipmusic.org. On a débuté avec Brink et Broken Dreams, ensuite J-Ster avec Groovin' On Up, et finalement encore Brink avec Four to the Floor. On arrive au top 3, débutons avec une habitude de l'émission, voici J-Red et la pièce Enchanted Forest. première position. We'll be right back. c'était le grand top 3 du palmarès de cheapmusic.org. On a débuté avec J-Red et Enchanted Forest. Ensuite, encore Brink et Aurora Borealis, Queen of the Northern Lights. Et finalement, un autre qu'on a déjà vu dans le top 15, Mills DJ et Depth. C'est ce qui termine notre édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 16h. On rappelle samedi à 15h. Consultez la programmation sur sifu.ca et retrouvez tous les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté.